effrayant pour ses 20 ans. Bingo. On se croirait au casino. Envoie le morceau, Titi, tu l'as en MP3? Attends, je cherche. Choya, bienvenue dans. Bienvenue en terre inconnue. Thank you.